dans les normes. Je vais maintenant mettre la chanson thème de l'émission à 70%. Oui, monsieur, fais-toi vomir. Alors, je voulais vraiment amener ma trame sonore de Final Fantasy VII pour mettre en background, mais je l'ai oublié, c'est-tu que je suis plate. Fait que je vais vous conter des belles blagues douteuses. Alors, savez-vous-tu comment ça se serait appelé les Flintstones, ça aurait été des noirs? Les nègres. Hey, c'est pas le fun de compter des jokes quand y a personne qui rit. Une autre blague douteuse, une de pédophile, celle-là. Oh là là, les vraies valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de cool à prendre sa douche avec une petite fille de 12 ans? Quand t'as revire de bord, ça a l'air d'un petit gars de 9 ans. Je vais tout de suite vous mettre une toune de Billy Bragg, un chanteur anglais que j'aime vraiment gros. Il est reconnu pour son talent d'activiste. Alors voilà, Way Under, The Minor Key, c'est Billy Bragg avec Wilco. Oui, monsieur. I lived in a place called Ofuski. And I had a little girl in a holler tree. I said, little girl, it's plain to see, ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. She said, it's hard for me to see how one little boy got so ugly. Yes, my little girlie, that might be, but there ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key, there ain't nobody that can sing like me. Walk down by the Buckeye Creek to see the froggy, the goggle-eyed bee, to hear that west wind whistle to the east. There ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. Oh, my little girlie, will you let me see way over yonder where the wind blows free? Nobody can see in our hollow tree. And there ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key, there ain't nobody that can sing like me. Cut a switch from a cherry tree and laid it on to she and me. It stung lots worse than a hive of bees. But there ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. Now I've walked a long, long ways. Still look back to my Tanglewood days. I've led lots of girls since then to stray. Saying ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. We'll be under in the minor key. We'll be under in the minor key. Ain't nobody that can sing like me. We'll be under in the minor key. We'll be under in the minor key. Ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me. Oui, monsieur, c'était Billy Bragg qu'on vient d'entendre. Je vais vous parler du Nintendo Nerd, aka le Angry Video Game Nerd, aka James Rolfe. James Rolfe a commencé par faire son université en cinéma. Il voulait faire des films d'horreur, en fait. Puis là, il a fait une review de Simon's Quest, un excellent jeu de Nintendo, console de troisième génération. Un jeu qu'il aimait, mais qui trouvait qu'il y avait plein de points à améliorer. Fait qu'il s'est mis à blaster le jeu, puis il s'est trouvé pas mal plus évolué qu'il pensait. Fait que là, il a décidé de continuer l'aventure pour faire rire ses chums, puis il a fait des reviews de jeux de merde. Maintenant, James Rolfe est l'un des plus subscribed de YouTube. Ça veut dire inscrit en français, hein? Fait que tout le monde va le voir, tout le monde l'aime. Son site, c'est angrynessnerd.com. Je vous suggère vraiment d'y aller, c'est très drôle. Il y a plein de passes drôles, comme quand il fait le review de Friday the 13th... non, pas Friday the 13th, de Nightmare on Elm Street au Nintendo. Il fait caca sur la cassette. C'est vraiment un grand moment. Il y a aussi... il fait caca sur la tête de Bugs Bunny quand il fait le review de Bugs Bunny Birthday Blowout. On le sait qu'il est un très mauvais jeu. Il fait des reviews pour le Atari Porn, parce que dans le temps, Atari avait le droit de faire des vidéos, des jeux vidéo porno, pardon, dis-je mal. Puis c'est ça, je l'aime vraiment gros. Moi, là, c'est un de mes meilleurs chums. Je l'ai mis dans mes top MySpace, meilleurs chums que je connais pas. Soit dit en passant, MySpace, ça sert à ça. Parlant de merde, on va aller écouter ce clap. Merde défend un groupe montréalais dont les membres sont répartis dans les Dirty Tricks et la descente du coude à Aster. Oui, monsieur. We should fight, so I'll take a fucking barbarian. Bon, je file comme ça, fait que je vais vous parler de Dorothée. Dorothée, c'est l'animatrice d'émissions françaises qui faisait un genre de Vosimolo, mais que ça a duré 20 ans. Fait que moi, je l'aime vraiment. Puis qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que nous autres sites, on avait Passe-Partout, puis c'était très fucké, hippie, un melting pot de plein de cossins. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était un casse-tête, le début d'émission, mais... Pardon. Mais Dorothée, qu'est-ce qui arrivait en France, c'est qu'elle faisait des chansons vraiment excellentes, puis le public français a vraiment été... garocher dedans une espèce de bonne musique tout de suite quand il était jeune à écouter la TV, tandis que nous autres on avait brosse, je me brosse les dents. Fait que je sais que je mets beaucoup de musique aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez, Tommy est pas là, puis quand Tommy est pas là, hein, on met de la musique. Fait que là, je vais vous mettre une belle toune de Dorothée que les jeunes français ont pu écouter à loisir quand ils étaient jeunes. Ils s'en sont overblownés. Elle s'appelle « Ou la menteuse ». OK, c'est bien beau tout ça, mais là, c'est l'heure de parler des vraies affaires. Parler de Zelda, qui est un monde totalement fantastique, peuplé par des gens très sympathiques. Je vais vous parler des débuts de Zelda. En fait, c'est notre chum Miyamoto, l'inventeur du Python L et du Python R, qui a créé Zelda en s'inspirant de ses voyages quand il était petit. Il se promenait dans le bois à côté de chez eux. Puis un événement marquant de sa jeunesse, c'est quand il a découvert une grotte. Puis là, il était pas sûr de vouloir rentrer dedans, mais il est rentré pareil avec une lanterne. Puis là, avec le temps, c'est resté gravé dans sa mémoire des aventures de même. Puis... plus tard, il nous fait The Legend of Zelda, le premier jeu sur lequel on pouvait saver sa game. Très impressionnant. Alors, qu'est-ce qui arrive avec Zelda? Puis si vous voulez m'appeler pour débattre de la timeline, parce que c'est très fucké les jeux Zelda, on a l'impression que c'est tous des jeux individuels, mais il y a une espèce d'histoire qui suit entre les jeux. En 1998, Monsieur Miyamoto nous a dit que Ocarina of Time serait le premier de la série. Donc, si on se base là-dessus, avec ce qu'on a aujourd'hui, moi, je pense que Minish Cap serait, au Game Boy Advance, serait le premier de la série, parce que c'est là que les Picori ont inventé la Master Sword, dis-je mal. C'est ça qui arrive. Fait que, dans le fond, la Master Sword a été inventée là. Puis, tout de suite après, il y a Ocarina of Time qui se passe à peu près une centaine d'années après de Minish Cap. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin de Ocarina of Time, il y a de quoi de vraiment fucké qui arrive, c'est que on tue Ganon à la fin, puis Zelda nous renvoie dans le passé. Alors, j'avais l'impression que le téléphone se l'est. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que il y a deux lignes de temps qui se sont faites. Celle que Link est revenu dans le passé et celle où ce que Ganon est defeated. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a deux Hyrule. Il y en a un où ce que Ganon a juste été emprisonné, puis l'autre où ce qu'il a été defeated. À la suite de ça, dans le premier Hyrule, on peut dire qu'il y a Majora's Mask qui suit tout de suite après. Parce que quand on commence Majora's Mask, on nous l'explique très bien que c'est tout de suite après. Mais on est avec Young Link, donc c'est le Hyrule où Link est petit. Ensuite, moi je crois que ce serait Link Awakening au Game Boy normal qui viendrait. À cause que on explique au début que Link s'en revient de voyage vers Hyrule. Puis là, il crash sur une shore en français et il s'écrase sur une plage d'une île mystérieuse. Puis à la fin de... Link's Awakening. L'île disparaît, puis Link retourne à Hyrule. Ensuite, quand Link est revenu à Hyrule, Ganon est sorti de prison, donc on peut dire que ça serait le premier de Legend of Zelda qui viendrait après Link's Awakening. Fait que c'est ça. Puis tout de suite après, Zelda 2, celui qui est en side-scrolling, viendrait, je crois. Puis après ça... Après ça, je pense que ça serait A Link to the Past. Parce que ça me tente. Puis dedans, le Hyrule 2, parce que je vous expliquais tout à l'heure que la timeline se séparait, parce qu'il y a deux univers parallèles. 100 ans après Ocarina of Time, je pense que viendrait Wind Waker, parce que c'est dedans l'espèce de futur où ce que Ganon avait tout décalissé. Puis au début du Wind Waker, on nous l'explique que vu qu'il y a plein d'eau partout puis que Hyrule est enfoncé en dessous de l'eau, ça correspondrait avec l'espèce de futur post-apocalyptique comme un bon film de série B. Alors, si vous voulez débattre de ça puis vous croyez que ma timeline est pas bonne, je vous paye à déjeuner si vous m'appelez. Puis sinon, on va s'en aller écouter Criss Cross. Inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all. OK, j'ai quelques fun facts ou potins à dire sur Zelda, toujours. Avez-vous remarqué que Link il est toujours gaucher à part dedans Twilight Princess? Hein? C'est mystérieux, ça, hein? Puis en plus, savez-vous que Zelda, ça vient de... Shigeru Miyamoto, il a trouvé ça à partir de la femme de Francis Scott Key Fitzgerald, Jasmine et auteur américain. Sa femme s'appelait Zelda, puis Monsieur Miyamoto a trouvé ça très représentatif. Bon, ça en est assez de Zelda. On va parler de country. Moi, j'aime beaucoup le country. Puis, un de mes plus grands country préférés, c'est Marcel Martel, Réalvé Benoît 3. D'ailleurs, de mes country préférés, c'est le Carlos Desperado. Marcel Martel et Réalvé Benoît. Réalvé Benoît, qui on le sait, se faisait appeler le mineur chanteur à l'époque. De son jeune temps, il jouait devant la mine à Rouyn-Noranda, puis les autres mineurs le traitaient de Chris D.P. C'était de toute beauté. Je vais aller vous faire écouter tout de suite une toune de pas Réalvé, mais de Carlos Desperado, qui est très amusante, qui s'appelle Je parle à Dieu et puis il me répond. Ça va comme ça, 1, 2, 3, ça parle de tout ça. Bonsoir tout le monde. C'est la chanson Requiem pour un Desperado. Desperado est à côté dans un bar d'une région éloignée. Une larme coule sur son coffre à pêche. Il y a M. Jean-François Garneau-Picard au clavier et M. Marc Farran à la basse. Le Desperado décide de parler à Dieu. Il l'appelle. Ça répond. Mon Dieu, pour toi, j'ai une de ces questions philosophiques. Je sais qu'on s'appelle pas souvent, mais là, j'ai pas de réponse. Je veux savoir s'il existe un cupidon pour les alcooliques avant que je passe l'arme à gauche, tué par la défense. Mon jeune, tu dois d'apprendre qu'au paradis éthylique, le cœur peut bien te flasher sans le moindre coup de semence. Les femmes qui aiment les barfly comme toi sont pas systématiques, mais vierge, c'est pas une raison pour que tu y renonces. Yové, dis-moi si pour scorer, il faut que je m'habille chic, puis qu'en rentrant dans la place, ouais, ma vie se bronze, mettre des petits gilets de tête pour mettre en valeur mon physique, comme dans la toune de Jerry Boulette ou foncer la tête d'un ronce. Je parle à Dieu, dedans un téléphone bleu. Il m'a mis ça à terre, que je boive la bière. Je parle à Dieu, pour que ça aille mieux. Pis s'il y a une sœur, c'est sûr que j'aime la faire. Fils, ne succomberas-tu pas à cet instinct lubrique? Et s'il te plaît, arrête de voir ton cœur comme une pierre ponce. La date de ton prochain gangbang est sûrement hypothétique. Et de ta tombe, chaque jour est un clou que t'enfonce. Bouddha, de ta bédaine, je veux une formule magique. Ben senti comme un gros rat de bière qui s'annonce. Peux-tu m'envoyer une de tes dévotes asiatiques que je me farcirai en finissant mon 40 onces? Dévo, ne sais-tu pas que le sexe est objet karmique et que la femme qui t'est due est peut-être celle que tu dénonces? Que l'institution de couple puisse te paraître utopique? Ah ouais, le kid, bois un autre shot pis après sa force. Et le desperado retourna dans son cercueil à tout jamais, tel un Dédé Fortin dans les branches de sapin. Tout l'a dit migrateur, coyote des prairies. Salut tout le monde. C'était tellement beau. Le Desperado nous parle de dans notre cœur, là. Il nous touche comme un prêtre quand on est jeune gens. Alors, j'ai toujours un bloc country, là. Moi, j'aime bien ça, comme j'ai dit tout à l'heure. On va écouter Marcel Martel avec la toune Informe Destin, qui est une toune très pognante. Parce que en dedans, ça nous touche. Tel un quelqu'un avec qui on joue à la tag. Fait que c'est ça, Marcel Martel, c'est le père de René, hein, qui animait Country Centre-Ville. Puis c'est ça, il avait écrit Marcel Martel sur sa guitare, puis ça, c'est très winner. Alors, on y goûte tout de suite. Marcel Martel, Informe Destin, à 70%, qui est plus aujourd'hui 35%, puisque Tommy n'est pas là pour les raisons qui m'échappent, que je tairai plutôt. Un samedi soir dans une auberge, il y avait un jeune garçon qui blasphémait le nom de la Vierge et celui de Jésus qui est si bon. Il n'y a pas de Dieu comme vous dites. Et je suis libre de moi, mais tu auras ce que tu mérites de dire un autre âme au forçat. On lui donna pour modèle d'autres qui avaient fait comme lui. Ne fais donc pas de choses pareilles et fais en somme une meilleure vie. Mais il souriait à ses paroles que lui disaient tous ses amis. Pourquoi toutes ces histoires folles? Tu n'iras pas en paradis. Un peu plus tard dans la soirée, un terrible accident arriva. Devant toute une foule affolée, un corps couvert de sang gisait là. On fit demander un prêtre et on fit bénir le corps. Soudain, on aperçut sa tête. Le garçon de l'auberge était mort. Amis, gardons tous comme exemple l'histoire de ce jeune moribond qui n'a pas voulu comprendre et perdit souvent la raison. Nous qui avons connu l'histoire, marchons droit et restons bons. Gardons dans notre mémoire l'aventure de ce pauvre garçon. La semaine passée, on avait invité un zombie qui était fort désagréable, mais à la demande générale, on voulait le réinviter, mais il pouvait pas. Il est parti au chalet. Fait que, dans le fond, c'est ça. Mais on pourrait le revoir dans les semaines prochaines. D'ailleurs, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient dans les semaines prochaines. Il y a Tommy qui va être là, hein, parce que Tommy, aujourd'hui, est comme un père absent. Dans la semaine prochaine, enfin, on reçoit un groupe qui s'appelle Les Dots, un groupe de punk rock canadien, plus québécois, en fait, qui lance leur album trois jours après. Fait que ça va être le fun. On va compter des jokes. Puis, on va écouter deux, trois tunes de leur album en exclusivité avant qu'ils sortent. Aussi, l'autre semaine d'après, on va recevoir Mathieu Marcotte de Musique Plus pour savoir s'il est vraiment cool ou s'il est vraiment vendu. Mais en tout cas, moi, je l'ai rencontré et je le trouve pas mal cool. Pour continuer dedans le bloc de country que je vous impose à vous et à nos millions de téléspectateurs, d'auditeurs, dis-je mal, on va écouter Réal V. Benoît, le mineur chanteur, comme que je vous disais tout à l'heure. En fait, Réal V. Benoît s'est fait crosser quand il était jeune, fait que là, il a arrêté de jouer de la musique pendant 20 ans, mais pour un spectacle bénéfice qui s'est fait pousser, puis que tout le monde disait ah, « Allez, Réal V, reviens sur la scène », il reprend sa guitare et retombe en amour avec la musique, et maintenant refait des tournées. Il a joué au Francofolie l'an passé, c'était vraiment excellent, c'est un arrache-cœur sur scène, il est un poète dans l'âme. Alors allons sans plus tarder écoutez « Ça dérange pas », une chanson qui parle que ça nous dérange pas qu'il y ait des riches parce qu'on est bien pauvres. Alors, allons-y, vas-y Montréal. Montréal. Les gros cocktails party, puis le champagne qui coule à flot. Les soirées d'opéra, puis le grand bal dans les châteaux. Les maisons de 100 000 piastres, puis les piscines chauffées l'hiver. Ça m'a toujours mis le feu au cul, j'en dis même Saint-Siboire. Vous allez me dire ça dérange pas personne, pis c'est bien vrai que ça nous fait pas mal, pis qu'ils ont bien le droit de faire ce qu'ils eux blèvent. J'ai même entendu dire des places que j'en étais jaloux. Pourtant ça me dérange pas une seule minute de plus que vous. C'est vrai, ça me dérange pas seulement, je me demande pourquoi souvent les gens qui sont dans ce sont pas comme ceux qu'on voit tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on voit jamais quelqu'un du monde y accéder? C'est quand même nous autres qui fait que ces choses-là puissent exister. ces choses-là sont pour ceux qui en font bien moins que l'on en fait. Ceux qui sont, ceux qui donnent, si ça rapporte au moins autant. La gang de ce club, ils sont venus au monde un peu avant. Ceux qui font tout ce qu'ils veulent devant nos yeux impunément. Vous allez me dire ça dérange pas personne, puis c'est bien vrai. Que ça nous fait pas mal, puis qu'ils ont le droit de faire ce qui eux plaît. J'ai même entendu dire des places que j'en étais jaloux. Pourtant ça me dérange pas une seule minute de plus que vous. Je parlais de ça comme ça seulement parce que ça donne de même. C'est vrai, ça me dérange pas une seule minute de plus que vous. Non, monsieur, ça ne nous dérange pas. Alors, j'ai une autre joke douteuse. Je vais raconter une autre joke de pédophile. Alors, c'est une fois une jolie jeune fille comme ça qui va voir son papa, dis-je mal. Fait que là, elle va voir papa, puis elle dit « Papa, papa, est-ce que je peux aller au cinéma? » Fait que là, son papa de lui dire « Ben là, si tu veux aller au cinéma, il va falloir que tu me suces. Fait que là, la petite fille, elle dit « Papa, papa, c'est pas correct hein, que je te suce là? » Il dit « Ah, pas de cinéma, hein? » Fait que là, la petite fille, elle dit « Ah ben ok, je vais te sucer. » Alors, ça va comme ça, un, deux, trois. Ah, papa, tu goûtes donc bien le caca! Ben là, son papa de lui répondre, ah, ben c'est parce que ton petit frère voulait aller à l'arcade. Malade, hein, je vous ai laissé le temps de rire. Fait que, c'est ça, ben, vu que j'ai pas mal moins de tunes que tout à l'heure, je vais continuer à compter des jokes douteuses. Alors, savez-vous dessus comment qu'on fait pour qu'un chien qui nous zigne vous décrisse la paix? Ben, tu le suces. Ça m'écœure moi-même. Fait que, trêve de ça, j'ai une super de bonne joke, par exemple. Ça, c'est ma joke 2004. OK, savez-vous-tu comment qu'on fait pour savoir s'il y a un hippie qui est passé chez vous? Il est encore là. Parlant d'hippie, hein? C'est qu'on haït ça, les hippies. Parce que les hippies nous parlent de consommation équitable, puis ils fument en même temps. Hein? C'est comme, ouais. Puis en plus de ça, je vais faire des jeux de mots de hippie, t'in. Fait que là, les hippies ils se mettent pas de crème solaire, même si c'est pas bon pour leur épiderme. OK, l'autre fois, j'ai été chez un hippie, il y avait des dessins sur le mur, c'était pas mal creepy. En français, pas, hein. L'autre fois, j'ai été dans un marché de chocolat équitable et j'ai acheté un bundle de pipites de chocolat. Vous avez catché, c'est comme des mots avec hippie, hein? C'est drôle. C'est super drôle. J'aime pas ça quand le monde rit pas de mes jokes. Ça me donne l'impression que, hein, que je suis tout seul. Alors, on va aller écouter une tonne des Simpsons, Flaming Moose de l'épisode du même nom. Let's go! When the weight of the world has got you down and you wanna end your life. Bills to pay, a dead-end job, and problems with a wife. But don't throw in the towel, cause there's a place right down the block where you can drink your misery away. Just a flaming moe away. Happiness is just a flaming moe away. Marty! How's the world treating you, Mr. Gumbel? Parlant des Simpsons, j'ai été voir le film et c'était excellent! Oui, monsieur, j'ai vraiment capoté. C'est comme un gros épisode d'une heure et demie. On est super satisfait. Notre ami Hubert Gagnon, qu'on a reçu v'là deux, trois semaines, fait une job d'enfer. On aime ça, les Simpsons. On rit à chaque fois. J'y étais à trois reprises, vous imaginez? Dont deux fois que c'était le mardi, que ça coûte pas cher. Mais en tout cas, j'y étais une fois avec papa puis maman, une fois avec la copine, puis une fois avec le drummer. Parlant de drummer, j'ai des jokes de drummer. Savez-vous-tu comment qu'on fait pour savoir si c'est un drummer qui cogne chez vous? Il accélère. C'est quoi la... Ah, j'ai une joke d'hippie aussi encore. Voyons, c'est quoi la différence entre un tam-tam puis un oignon? Quand tu crisses un coup de couteau dans un tam-tam, il y a personne qui pleure. Et que j'aime ça, les jokes, moi. Alors, on continue en musique. Ouais, là, je vais y aller. Je vais mettre The Trash Man avec Surfing Bird. Oui, monsieur, on y va. Oui, monsieur, c'est comme ça que ça se passe ici. Alors, tantôt, on va écouter une marde, même si Tommy n'est pas là. Il m'a tout préparé ça, il m'a écrit une belle présentation que je vais vous lire dès l'instant même. C'est plate qu'aujourd'hui, on n'ait pas d'extrait, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? La vie, c'est un combat où chaque seconde est un round. Mais dans l'univers, comme qu'on le dit si bien, le bien triomphera toujours du mal, et Tommy sera de retour la semaine prochaine. Alors, je vous lis le communiqué qu'il m'a écrit à votre intention, chers auditeurs tristes, entre parenthèses. Si dans le monde de Natrel, il y a plein de bonnes choses et dans le monde des Kalinours, pas beaucoup de testostérone, dans le monde de Joseph Lay et Godfrey O, il y a beaucoup de ninjas et de vengeance. Ce soir, malgré mon absence remarquée, moi, Tommy Godette, je fais sûr de vous insulter à rebours grâce à ce classique des films hautement douteux produit et réalisé par le duo de Hong Kong le plus vaseux ever, Olay. Ça fait aller. Vous pouvez rester muet devant l'absurdité évidente du scénario découpé au sécateur rouillé, mourir de consternation devant le jeu des acteurs ou avoir envie d'arracher vos sens à la vue du même pit de sable que d'habitude. Mais si vous faites ça, vous allez manquer une quantité incroyable, dis-je mal, l'incommensurable densité, vengeance et de ninja prononcée par les personnages. Ah, ça veut dire que dans tout le film, on va entendre « vengeance » et « ninja ». Bien sûr, les quelques combats de ninja demeurent assez olayiens pour vous justifier une expérience cinématographique très insultante, mais c'est bien dans les passes de bureau que ça cache l'aberration. Or, le dernier boss est le boss du héros qui se trouve un demi-lune qui kick en début de film. Ce petit chinois qui deviendra le bad boy de notre héros moustachu est effectivement lié au gang de ninjas qui terrorise les trois figurants du film. Ça ne se passera pas comme ça. En somme, du bon moins 8 qui illustre très bien le style olé, ça fait olé, en particulier de... Voyons. Un bon moins 8 qui illustre très bien le style olé, en particulier sous la grande famille des films de ninja fluo. Ah, j'ai hâte de voir des ninja fluo. Remarquez comment les héros contrôlent les branches à distance. C'est ce que nous dit notre ami Tommy. Hostie de crise de merde et à la semaine prochaine. Alors, j'ai très hâte de le voir. Je vous rappelle que vous pouvez venir dans les studios de Choc pour écouter la merde après sur écran géant. Et bientôt, on est en train de faire des procédures pour peut-être faire ça dans un bar. Ça serait très cool de boire de la bière en même temps que on écoute de la merde. Je m'en vais vous mettre une toune du volume était au maximum qui s'appelle Jamais plus je ne te verrai. Ça va comme ça. 1, 2, 3, c'est le volume, un groupe québécois que j'aime beaucoup. Ça fait tellement 2006. Jamais plus je ne te verrai. Oui, monsieur. Fait que c'était, le volume était au maximum. J'ai fouillé dans l'ordi, puis j'ai trouvé une toune de mon Ben, puis j'ai trouvé ça ben drôle. Fait que je vais vous parler du show que j'ai fait v'là une semaine. V'là trois jours, ça s'est passé au cabaret Juste pour rire, puis on n'a jamais été aussi bien reçu. On avait des plats de crudité, des chips avec de la salsa, des gourous gratis. En tout cas, je me suis fait ben du fun avec toute la... C'était le SMIM, le Salon de la musique indépendante de Montréal. Et ça s'est très bien passé, mais j'ai fait de la passe de la guitte, puis... à leur voler dans le drum parce que la strap a lâché. C'était un très beau moment de rock'n'roll pour moi. Alors, je vais m'automettre puisque je me suis trouvé dans l'ordi. Bonne journée, la toune, jamais de congé. Ça va comme ça. 1, 2, 3... Oui, monsieur, je suis pas très bon avec ça. Pour savoir s'il faut que je rentre, qui demain je remplace, Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici à 70%? Alors, mon ami Olivier est en train de préparer la marde. Fait que si vous voulez vous en venir l'écouter, ça vaut la peine. Ça s'appelle Flic ou Ninja, un film qui nous pose une question par le titre et c'est très drôle. Hein? Il faut falloir checker le film pour savoir si c'est vraiment un flic ou si c'est un ninja ou une espèce d'alter ego des deux ou bien une double identité, un split time comme dans Zelda. Alors, je vais continuer à mettre de la musique parce que c'est ce que je fais le mieux. Je pourrais compter une joke avant. Oui, monsieur. Alors, c'était une fois une espèce de Tommy Godette, là, mon co-animateur qui est pas là. Il arrive, il avait plein de caca dans les mains. Puis là, il me dit « Hey, check, man, dans quoi j'ai failli piler. » On va aller écouter Propagandy avec Cut Into The Earth. Ça, c'est un de mes albums préférés de l'an passé. Un excellent groupe canadien. Je les ai vus en show. Ils étaient un peu trop activistes, là. C'est pas grave. Tu sais, quand t'arrives là, il y a des vidéos d'animaux qui se font torturer juste pour te faire réaliser. Puis les t-shirts sont équitables. Alors, on écoute ça dans là. Oui, monsieur. Alors, c'est quasiment fini, là. Fait que je vous énerverai pas plus longtemps. C'était super le fun d'être tout seul avec vous autres. Vous avez bien ri de mes blagues. J'ai essayé d'en retrouver une autre, mais j'ai l'esprit tout mélangé. Je suis Israël lendemain de bois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Tommy est justement en train d'en virer une pour demain. Pour avoir un lendemain de brosse demain. Je vais vous mettre mon nouveau groupe préféré de l'année, là. Ça s'appelle Witches with Dicks, puis c'est très bon. Je l'ai reçu à ma fête, ce disque-là, puis depuis ce temps-là, je l'écoute tout le temps. Alors, on y va comme ça. 1, 2, 3, Witches with Dicks avec la toune How to Cook for the Humans. Puis après ça, je vous mets juste une autre toune, puis après ça, c'est fini. Puis oh, quelle toune que je vais vous mettre tout à l'heure. Ouais, c'était ça. Fait que c'est fini pour 70%. Fait que je vais vous mettre la toune de la fin des Raccoons. On se souvient des Raccoons, émission dessin animé des années 80 qui était très excellente où Hubert Gagnon faisait justement la voix de Bernard Laveur. Vous souvenez-vous du mix de Benoît Laveur? C'était beurre de peanut puis crème soda. Fait qu'on écoute ça. C'était tout pour 70%. La semaine prochaine, Tommy va venir nous voir. Puis on s'en va écouter Flic au Ninja, le film qui nous pose une question dans le titre. Salut, vous êtes toutes bienvenues. Lundi 17 septembre, vous écoutez l'épisode 12 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. Bonjour à tous, vous êtes avec...